passion comme une feuille au moindre frisson quand tu es là près de moi. L'amour est un poison que je consomme avec des raisons rien que pour toi, oui que pour toi. Comme une hirondelle en pleine tempête, tu es le soleil qui sèche mes ailes. Je te veux toi, rien. Attendu, maintenant l'heure est venue.